La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps de l'enfance est devenu l'un des grands sujets de Marcel Pagnol, avec la publication de ses souvenirs d'enfance dans les 20 dernières années de sa vie. La gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des secrets, ainsi que le temps des amours, ce dernier livre publié en 1977, 3 ans après sa mort, à l'âge de 79 ans. Cette période de l'enfance a forgé à la fois l'homme et l'auteur, dans l'atmosphère studieuse et très Troisième République qu'instaurait son père instituteur, mais aussi dans la joie des balades à travers les collines de Provence. Ce décor, c'est Hélène Rivière qui l'a planté pour nous au cours d'une émission diffusée hier et disponible à la réécoute. Demain, c'est à la relation complexe que Pagnol entretenait avec Jean Giono que nous nous intéresserons. Ce sera en compagnie de Thierry Dée, qui continuera aussi d'évoquer le rapport de l'auteur avec sa région natale. Enfin, jeudi, nous nous intéresserons notamment à la question de la légitimité, parfois contestée dans les milieux artistiques, de l'œuvre de Pagnol. Ce sera en compagnie de Marion Brun. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer les grands thèmes de l'œuvre pagnolesque, nous sommes en compagnie de l'écrivain Karine Hahn, qui a mené plusieurs années de recherche sur l'œuvre de Pagnol, à l'issue desquelles elle est devenue doctorante en lettres. Et en 2014, aux éditions du Rocher, elle a publié un essai intitulé « Marcel Pagnol, un autre regard », où elle propose un voyage dans son œuvre pour dire à quel point Pagnol, c'est un beau, un très beau, un éblouissant langage. Quand Pagnol écrit, on l'entend. Il a un respect des mots tel que les mots, avec lui, tout de suite, ont une couleur, ont une saveur. Oui. Quand Pagnol vous parle, il vous dit « figure-toi un peu ». Alors là, c'est de la radio, mais j'écoutais ce sketch et je le voyais. Mmh. Pourtant, il n'y avait pas d'image, il y avait juste des voix et des mots. Mmh. Et alors, le miracle de Pagnol, le miracle de son style, c'est que les mots font image, les mots, on les savoure. Les mots, c'est comme, je ne sais pas, un panaché de coquillages, ils font bonne bouche. Vous voyez, quand on écoute du Pagnol, on n'est pas seulement moralement et intellectuellement heureux, on est physiquement content. Vous voyez, le soleil est à l'intérieur des phrases, l'image est à l'intérieur des mots, c'est quelque chose de très charnel, de très ensoleillé, de très vivable. L'homme de lettres Yvan Audouard en 1986. Bonjour Karine Hahn. Bonjour. Alors, un beau, un très beau, un éblouissant langage, c'est vous qui l'écrivez dans votre livre. C'est surtout ça d'ailleurs qui vous intéresse en premier lieu chez Pagnol. C'est en tout cas l'impression qu'on a à la lecture de votre texte. Est-ce qu'on se trompe ? Non, non, on ne se trompe pas. C'est un beau, un très beau, un éblouissant langage. Et d'autres citations ont dit « Il suffit de quelques mots pour que la vie soudain circule. Chaque lecture est un printemps. » Mais c'est vrai, parce que c'est un plaisir renouvelé. Et c'est surtout un style extrêmement épuré. C'est-à-dire que les mots sont simples, mais les figures de style sont éblouissantes. Et vous avez plongé très précisément dans cette langue en faisant l'édition des manuscrits de Pagnol pour les éditions des Saint-Père. J'imagine qu'on y voit encore mieux le travail de l'écrivain. Ah bien sûr, oui, bien sûr. Les manuscrits permettent de comprendre un écrivain au travail. Ils permettent ce qu'on appelle la recherche génétique, c'est-à-dire la genèse d'une œuvre. Tout ce qui est tombé dans le creuset de l'alchimie de la création de l'écrivain, ce qui a nourri son imaginaire, ses repentirs, ce qu'il a souhaité garder, ne pas garder. Et l'écriture de Pagnol est extrêmement emblématique de ce qu'il était, parce qu'en fait, on se rend compte que tout était d'une clarté éblouissante dans son esprit. Ça n'est pas du tout un manuscrit raturé, comme chez certains écrivains. Il y a très très peu de ratures, en réalité. Et en fait, il a... si vous voulez, sa façon d'opérer, c'est ce que j'ai appelé la patte doigt, c'est-à-dire qu'on a un même récit raconté de plusieurs manières différentes. Et à la fin, il va en garder une formule, alors qu'il peut retravailler, mais très très peu finalement. Mais on sent qu'au départ, il s'est dit, voilà, cet épisode-là doit figurer dans les souvenirs d'enfance, doit figurer dans mon livre. Comment je le raconte? Et c'est ce qui montre d'ailleurs que ce ne sont pas des mémoires à proprement parler, mais bien un travail romanesque. Donc le premier jet est important chez Pagnol? Oui, mais il y en a plusieurs, en fait. C'est-à-dire qu'un même récit va faire l'objet de trois versions différentes. Qui sont très différentes. Alors, qui peuvent l'être quand même, oui, en tout cas dans la formulation. Et ça rappelle ce que lui disait Alida Rouf quand il parlait, parce qu'il avait cette faconde magnifique quand il racontait des choses. Et elle lui disait, mais continue Marcel, je sais que tu mens, mais je me régale. Et finalement, est-ce que, du coup, en comparant ces différentes versions, vous avez réussi à trouver des invariants dans le fait qu'il ait choisi telle ou telle de ces versions? Absolument. Alors déjà, ce qui a frappé, et c'est ce que on a mis en valeur à l'exposition à Aubagne, c'est que la première phrase, qui est restée extrêmement emblématique, « Je suis née dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers », cette phrase-là, elle a été retravaillée. Vous voyez qu'il y a effectivement un effet ternaire, il y a quelque chose, c'est en trois parties. Mais le « Je suis née dans la ville d'Aubagne », ça a toujours, toujours, toujours figuré dans toutes les versions que nous avons. On a ce « Je suis née dans la ville d'Aubagne ». Et ça, c'est très important. La première chose, c'est que, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, puisqu'on va parler du temps retrouvé, c'est déjà un point commun que Marcel Pagnol a avec Marcel Proust, c'est que ce sont les deux seuls écrivains qui ont une première phrase particulièrement emblématique que tout le monde a dans l'esprit. Longtemps, je me suis couché de bonne heure et je suis né dans la ville d'Aubagne. Donc, ce sont vraiment deux phrases. Alors, pourquoi les a-t-on gardées? Je n'en sais rien. Pour leur simplicité, pour leur évidence. Pour leur évidence, peut-être parce qu'elles disent aussi beaucoup déjà de l'écrivain. Le fait que Proust commence par longtemps, c'est pas un hasard non plus. Il a une écriture de la longueur, de l'étirement du temps. Et Pagnol, effectivement, je pense qu'on peut s'arrêter sur la manière dont il se présente. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers. Donc, je suis né dans la ville d'Aubagne, c'est un marqueur de cet attachement à la Provence qu'il aura toute sa vie, de cet attachement à cette ville. Et en effet, les souvenirs d'enfance sont situés, pour la plupart, dans les collines du massif de l'Étoile. Sous le garlaban couronné de chèvres, c'est déjà une métaphore, puisque le garlaban, comme chacun le sait, d'ailleurs Pagnol le dit un peu plus tard, c'est une tour de roche bleue. Donc une montagne ne peut pas être couronnée de chèvres. Donc déjà, il y a une image. Une image même amusante. Une image même amusante, effectivement. Donc il y a déjà à la fois cet humour et puis cette poésie. Au temps des derniers chevriers, là, il y a toute la nostalgie. Pourquoi ? Parce qu'on apprendra bien plus tard que son frère Paul, qui est mort à l'âge de 30 ans, ça a été une immense douleur dans la vie de Pagnol, c'était, selon les mots de Pagnol, le dernier chevrier de Virgile. Il était dans les collines, il gardait ses moutons. Et donc, au temps des derniers chevriers, il y a effectivement toute la nostalgie de ses souvenirs d'enfance. Donc, dans cette phrase, on a tout Pagnol. Dans cette phrase, on a tout Pagnol. Et ce qui est intéressant aussi, quand vous voulez comprendre aussi un petit peu l'atmosphère d'un écrivain, vous prenez éventuellement le premier mot d'un livre et le dernier. Voilà. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que j'ai fait, oui, parce que quand on écrit, on soigne quand même toujours, d'ailleurs les professeurs en lettres vous disent soignez votre introduction et votre conclusion, on soigne quand même toujours la phrase de présentation et on soigne les mots sur lesquels les lecteurs vont rester. Et quand vous prenez ces deux mots-là chez Pagnol, ça nous donne « Je suis né au soleil ». Alors vous faites des comparaisons aussi avec d'autres écrivains qui ont également rédigé des mémoires, pas des moindres puisque vous convoquez Victor Hugo et Chateaubriand. Quel parallèle pouvez-vous faire finalement entre ces grands personnages ? Alors en fait, ce sont des déjà le premier parallèle qu'on peut faire entre Pagnol et Hugo, c'est que ce sont les deux seuls grands écrivains qui se sont exercés à tous les styles avec le même bonheur. C'est-à-dire que chez Hugo, il est à la fois un poète, un dramaturge, un romancier. Pagnol, c'est pareil, il a fait du théâtre, il a écrit des mémoires, il a fait des romans. Il est peut-être un petit peu moins poète, sauf... Alors voilà, c'est la seule chose, voilà. La seule chose qu'il n'ait pas fait, effectivement, c'est d'être poète. Hugo n'a pas écrit ses mémoires, mais je veux dire que des écrivains qui, comme ça, ont réussi avec le succès que l'on connaît dans des domaines aussi différents, Baudelaire est un poète, voilà. Donc ça, déjà, c'est assez exceptionnel. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont les écrivains se présentent. Donc, Victor Hugo, comme vous le savez, a été père du royaume. C'est quelqu'un qui avait de grandes ambitions. C'est Victor Hugo qui a dit « Je serai Chateaubriand ou rien » qui est devenu Victor Hugo. Il avait quand même une très grande idée de ce qu'il était, même s'il ne l'était pas encore au moment où il l'écrit. C'est donc un poème qui est extrait des Feuilles d'automne, et dans lequel il dit « Ce siècle avait 2 ans, Rome remplaçait Sparte, déjà Napoléon perçait sous Bonaparte ». Donc il convoque quand même l'histoire, l'empereur. Alors ensuite, il évoque effectivement Besançon, et il termine en disant « cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un lendemain à vivre, c'est moi ». Donc il y a quand même une espèce de grandiloquence chez Hugo qui annonce effectivement le personnage qu'il va être, puisque tout le 19e siècle va s'articuler pour ou contre Hugo, mais toujours en fonction de Hugo. Donc en plus il couvre tout le siècle, hein, puisqu'il est en 1802, il meurt en 85, donc il est vraiment là tout le temps. Et puis vous avez Chateaubriand, qui est aussi à la croisée des chemins, puisque lui était vicomte, qu'il a donc connu la Révolution française, qu'il a vu autour de lui mourir tant de gens de sa caste, et qui a décrit effectivement ce monde qui disparaît, et qui écrit dans ses mémoires d'outre-tombe, qui seront publiées en 48, « Dans cette chambre où ma mère m'infligea la vie ». Et là, vous avez aussi tout Chateaubriand. Et on n'a pas du tout Pagnol, parce que la vie, elle n'est pas du tout infligée. Et on n'a pas du tout Pagnol, puisque Pagnol, effectivement, c'est le soleil rond et bien brillant de la Provence, oui. Dites-vous, enfin, vous n'avez pas remarqué qu'il nous regardait fixement ? Oui, oui, il a regardé que nous. Là, tu te trompes, parce qu'à un moment donné, il a bien regardé Hugolin. Cet homme-là qui lui parlait à lui. À moi ? Oui, à toi. Et t'as bien regardé quand il a parlé de ce roi qui avait la peste et qui l'a foutu à tout le monde. Dis-oh, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu vas quand même pas dire que j'ai la peste, non? C'est mes ayants qui ont la peste. Et le curé, il le sait, c'est pour ça qu'il m'a regardé. Une bonne action que tout le monde aurait pu faire et que personne n'a faite. Ça ne vous dit rien, cette phrase-là? Et il n'y a pas que celle-là. On aurait dit qu'il parlait que de ça. Moi, il y a longtemps que j'y pensais plus. Et personne n'y pense plus. Tout ce qu'on va raconter, c'est des imaginations. Tout ça, c'est mort et enterré. Cher papé, on n'enterre pas une mauvaise action. C'est comme le chien d'art, plus on l'enterre, plus il pousse. Pour faire crever le chien d'art, il n'y a qu'une seule méthode. C'est de le tirer de la nuit, de la terre et de l'exposer en plein soleil. Eh oui, c'est bien ça. C'est bien pour ça. Extrait de Manon des Sources, on y entend le mot peste. D'ailleurs, c'est cet auteur qui a aussi écrit Les Pestiférés sur la grande peste de Marseille. Enfin, c'est un livre qu'il n'avait pas terminé, qui a été publié posthume, peut-être pas le plus intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Carina Anne. En fait, il était très embarrassé parce qu'il a reçu beaucoup, beaucoup de lettres d'un jeune public quand il a publié La gloire de mon père et ensuite Le château de ma mère. Vraiment une avalanche de lettres, ça a été un succès de librairie énorme. Et évidemment, quand on avance, le temps des secrets, le temps des amours, ben, les amours se transforment. Et il était un petit peu embarrassé avec ce jeune public parce que à l'époque les mœurs étaient évidemment moins libres qu'aujourd'hui. Et il ne l'a effectivement pas publié. Il l'a écrit. Il a eu 10 ans pour le faire. C'est un choix ensuite éditorial de le publier posthume, mais ça n'a pas été en effet sa décision. Alors tout à l'heure on évoquait les grands noms pour les comparer à Pagnol. Vous avez commencé à dire qu'il y avait un parallèle à faire avec Proust. Ce parallèle, il faut le faire sur la question du souvenir, sur la question du temps retrouvé. C'est vrai que c'est toujours, en particulier dans les 4 récits de souvenirs de Pagnol, c'est toujours un petit peu l'horizon. Alors en fait, il y a un travail extraordinaire sur le temps qui rappelle effectivement celui de Proust, dans la mesure où, si vous prenez par exemple Le côté de Guermande, qui est le troisième tome de la recherche, vous avez des pages et des pages et des pages sur une métaphore d'une grotte sous-marine à l'opéra. C'est absolument magnifique et Proust décrit cette soirée à l'opéra et ça dure des pages et des pages et des pages. Et il est capable de passer plusieurs années en une phrase. Et en fait, Pagnol utilise ce même procédé pour avancer. Si vous lisez les souvenirs d'enfance, simplement en vous abandonnant au bonheur de la lecture, vous avez la sensation de lire 2 récits de grandes vacances, c'est-à-dire la première fois où il découvre les collines, ensuite les vacances de Noël, et la deuxième fois où ils vont retourner, ils vont louer la Bastide Neuve et retourner à la Bastide Neuve. En réalité, quand vous avez une lecture plus analytique et que vous regardez les marqueurs temporels de ce récit, vous allez vous rendre compte que Pagnol égare complètement le lecteur. C'est-à-dire que d'abord, il va créer ce que j'ai appelé une typisation de l'instant, c'est-à-dire des instants types. Il vous fait des phrases comme « le matin du 10 août, il y eut un orage ». Bon, on peut se dire quand même qu'un homme qui se retourne sur sa vie à l'âge de 62 ans est quand même pas vraiment en mesure de nous dire que le matin du 10 août, quand il avait 10 ans, il y eut un orage, surtout si cet orage n'a pas eu des conséquences extraordinaires. Ou l'avant-veille, nous avions été, etc. Des choses comme ça qui donnent une impression presque d'un journal intime qu'on suit au jour le jour. Alors qu'en réalité, quand on regarde le récit de plus près, on se rend compte que la journée de chasse et la veille, c'est-à-dire la nuit où les chasseurs vont préparer cette partie de chasse avec le petit Marcel, les épis, en se disant « je veux partir avec eux à 5 heures du matin, je veux faire partie de cette chasse », ça dure pratiquement un tiers du livre. Et puis, à la fin, vous avez le Pagnol qui vous explique en une phrase la mort de sa mère. Il évoque cette douleur qui aurait pu le tuer et en disant « telle est la vie des hommes, de très grande joie, très vite effacée par d'inoubliables chagrins, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants, ça tient une ligne », sauf que cet épisode-là aurait dû se situer dans le temps des amours, en termes d'âge. Donc ça, c'est déjà effectivement un étirement du temps. Et puis, il arrive même jusqu'à l'âge de 39 ans, puisqu'il évoque le moment où il achète le château de la Buzine et où il réalise qu'en réalité, il est dans la propriété du château de ma mère, où sa mère a été humiliée puisqu'elle traversait cette propriété de manière illégale. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est vraiment un romancier et que ce n'est pas un mémorialiste, Pagnol, ou est-ce qu'il y a encore autre chose à tirer de cette analyse ? Ah, c'est quelqu'un qui s'est appuyé sur sa mémoire, mais c'est un romancier. Pour moi, les souvenirs d'enfance sont bien sûr un roman, oui. Est-ce que vous trouvez qu'il est plus facile d'écrire ses souvenirs, par exemple, que d'écrire une pièce de théâtre ? Oui, tout de même. Je ne dis pas que l'art du roman soit facile. D'ailleurs, moi, je n'écris pas de roman, je ne saurais pas écrire un roman. Non, enfin, l'art de l'écrivain est plus tolérant, n'est-ce pas ? On peut écrire 10 mauvaises pages dans un bon livre, ça n'a pas d'importance. Mais une bonne mauvaise scène dans une pièce de théâtre, l'attention de la salle se décroche aussitôt, et pour la raccrocher, c'est extrêmement difficile. Vous dites, je ne saurais pas écrire un roman, mais est-ce que ça n'est pas un peu un roman, tout de même ? Ça doit l'être un peu, mais je ne m'en suis pas aperçu en l'écrivant, n'est-ce pas ? J'ai eu l'impression, moi, de raconter les choses telles qu'elles se sont passées. Et pourtant, elles ne se sont sûrement pas passées comme ça, puisque vous pouvez lire en 2 heures le récit de 2 ans. Mmh. Il a donc fallu, inconsciemment, resserrer, condenser, n'est-ce pas ? En tout cas, ce qui est rigoureusement exact, ce sont les détails. Mmh. Mais peut-être que l'ensemble ne l'est pas tout à fait. Pagnol qui sourit légèrement, ça vous fait rire aussi, Carina ? Oui, c'est un euphémisme, oui. Oui, d'ailleurs, il dit « je ne serais pas capable d'écrire un roman ». Il a écrit Manon des Sources et Jean de Florette, donc en fait, il pêche toujours par modestie. Mais quand il évoque la mémoire, c'est assez intéressant, parce qu'il y a aussi 2 niveaux de récit dans les souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que vous avez le Pagnol adulte, mémorialiste, qui se retourne avec beaucoup de nostalgie sur ce qu'il appelle ses chères ombres, ses chères disparues. Et là, effectivement, il y a des phrases très graves. Et puis, il y a le Pagnol enfant, et là, il utilise un langage d'enfant. Quand il dit « Pasteur venait d'inventer les microbes », enfin, ce genre de choses, là c'est vraiment un langage d'enfant. Et vous avez des phrases, je vais vous en donner juste 3, qui sont tout à fait à double sens. Quand le petit Marcel est dans les collines le matin très très tôt, puisqu'en fait il a laissé partir les chasseurs un petit peu en avance pour pas être découvert, et il part pour les rejoindre. Et il dit, le problème était donc de les rejoindre, n'allais-je pas me perdre dans ces solitudes. Mm-hmm. Donc ça c'est une phrase, effectivement, c'est à la fois l'enfant qui veut rejoindre les chasseurs et qui pourrait se perdre dans les collines désertes à cette heure-là, mais c'est aussi cet homme qui se retourne sur sa vie, qui veut retrouver ses chers disparus et se dire, voilà, est-ce que je ne vais pas me laisser submerger submergée par mon chagrin et par ma nostalgie. Jacqueline Pagnol m'avait confié que Pagnol avait trempé sa plume dans du sang à chaque ligne dans les souvenirs d'enfance. Vous avez aussi une autre phrase où il dit « Les chemins qu'on laisse derrière soi en profitent pour changer de visage ». C'est aussi à la fois l'enfant, effectivement, qui peut perdre sa route parce qu'il n'a pas semé de petits cailloux, mais c'est aussi l'adulte qui se dit « Voilà, je me retourne sur ma vie et qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce que j'en garde et qu'est-ce qui me reste aujourd'hui de tous ces gens que j'aimais et qui sont disparus ?» Pagnol avait coutume de dire « Aujourd'hui, mon agenda est un cimetière » puisqu'il avançait en âge. Et puis, une des dernières phrases « Je haussais vers le ciel la gloire de mon père en face du soleil couchant ». Et en réalité, c'est quelqu'un, effectivement, qui hausse la gloire de son père, c'est-à-dire les Bartavel, mais aussi qui écrit un livre à la gloire de son père, en face du soleil couchant. Pourquoi ? Parce que lui-même est à l'automne de sa vie. Est-ce que c'est ça, selon vous, qui fait ce charme un petit peu spécial qu'on ressent à la lecture, notamment des souvenirs d'enfance de Pagnol ? Est-ce que c'est cette nostalgie ? Est-ce que c'est la distance du temps entre le moment de l'écriture et le moment des souvenirs ? Moi, j'ai tendance à dire que ce sont des livres qui peuvent être lus à tout âge. Il est évident que quand on fait lire les souvenirs d'enfance à des enfants de sixième, eux voient le petit garçon qui court dans les collines. Évidemment, plus on avance en âge, plus on va être en mesure de détecter cette nostalgie, parce que plus on s'y identifie à cet homme qui se retourne sur sa vie et qui a déjà effectivement perdu des gens qu'il aimait, qui se souvient, il a quand même perdu son frère, il a perdu sa petite fille, il a perdu sa mère. Donc effectivement, quand on commence, nous aussi, d'être marqué par des deuils et d'avoir cette nostalgie peut-être du temps qui passe, on est plus à même effectivement d'y être sensible. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cette double révolution que Pagnol est capable d'effectuer sur le temps. C'est-à-dire que quand il a 62 ans et qu'il évoque cet homme qui a acheté le château de la Buzine, qui en a 39, et que cet homme de 39 va lui faire penser à ce petit enfant de 10 ans, puisque là il découvre qu'il est dans le château de sa mère, en fait, et il dit « Tremblante et à jamais inconsolable, elle ne savait pas qu'elle était chez son fils ». Donc il y a toujours un espèce de retour sur sa vie entière dans presque chacune des phrases de Marcel Pagnol. Et d'ailleurs, il y a toujours une superposition, voire une espèce de d'étreinte entre l'espace et le temps, puisque dans cet épisode, il fait effondrer cette barrière que sa mère avait ouverte de façon illégale, que ses parents avaient franchi de manière illégale, et il dit les poutres s'effondrèrent sur le passé. Il dit aussi « Je m'enfonçais dans l'avenir à reculons ». Je m'enfonçais dans l'avenir à reculons, oui. Donc ça crée un sentiment, en fait, cette espèce de tissage entre le maintenant et le jadis. Et on peut aller même encore plus loin dans l'analyse de ce que le temps fait à la prose de Marcel Pagnol, en se rappelant qu'il a lu Virgile, par exemple, et qu'il y a tout un tas, toute une sédimentation, finalement, de lectures classiques qui viennent aussi s'imprégner dans le récit. Ah ben, il a fait plus que le lire, hein. Puisque en fait, il est encore l'un des meilleurs traducteurs de Virgile aujourd'hui. Il lisait Homère, Virgile, Goethe et Shakespeare dans le texte. Hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui avait une culture absolument incroyable. Il est nourri des grands classiques et ça se retrouve. Au départ, il voulait écrire en vers. Son exemple, c'était Edmond Rostand. Mais ça s'entend un petit peu dans la phrase que vous avez citée tout à l'heure, la première phrase des souvenirs d'enfance avec ce rythme ternaire. Oui. Il y a en effet, dans le classicisme de l'écriture de Pagnol, la lecture de la poésie, mais aussi du théâtre classique. Bien sûr. Ça s'entend beaucoup, le rapport même au vers, justement. Oui, et puis il y a des emprunts. Quand Pagnol fait, dans La femme du boulanger, fait en sorte que le boulanger s'adresse à la chatte Pomponnette pour l'insulter et ne pas insulter Aurélie. Ça, c'est une façon de faire qu'a employé Racine. C'est sans précédent dans le théâtre. Il y a juste Pagnol et Racine qui l'ont fait. Donc, il est tout à fait nourri de la grande littérature. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant, parce que son écriture et cette épure que l'on retrouve dans son style est le fruit d'un travail colossal. Mais alors, toujours dans cette idée du temps, Pagnol écrit au XXe siècle, mais il écrit sur ce qui ressemble quand même beaucoup à une sorte de XIXe siècle. Est-ce qu'on n'est pas aussi, comme Proust d'ailleurs, dans un autre style, dans un autre milieu aussi, dans les derniers moments d'un XIXe siècle raconté par quelqu'un qui en a un petit peu la nostalgie ? Alors ça, oui, la seule différence que l'on peut faire, c'est que je pense que Proust est le dernier grand romantique. Il meurt en 1922, il clôt en fait le 19e siècle. Pagnol naît, lui, 5 ans avant le passage du siècle. Alors évidemment, comme il nous raconte ses souvenirs d'enfance et qu'il a 10 ans, on est à peu près en 1905. Donc évidemment, il y a des marqueurs. Le 20e siècle a commencé en 14. Voilà, mais on a évidemment, il nous parle du tramway qui vient d'être installé, il nous parle de l'eau courante, il nous parle de cette tisane anglaise qu'on appelait le thé. Donc bien sûr que les souvenirs d'enfance sont aussi connotés. Il parle pas de madeleine, non, pour tremper dans la tisane anglaise. Vous savez que c'est dans les manuscrits, on s'est rendu compte que ça a été des biscottes, ça a été plein de choses avant d'être la madeleine. Mais non, bon, des biscottes alors si vous voulez. Non, mais c'est vrai que oui, vous avez tout à fait raison de souligner que les souvenirs d'enfance sont aussi, bien sûr, un témoignage du siècle, même s'il n'en abuse pas. C'est un homme du XXe siècle, Pagnol. D'ailleurs, quand on lui demandait qui auriez-vous aimé être, il disait n'importe qui au XXIe siècle. Il était très curieux, très projeté dans le futur. Et du coup, ce XXe siècle qui commence avec la Première Guerre mondiale, oui. Est-ce que la Première Guerre mondiale, elle est présente aussi dans les textes de Pagnol, même d'une façon un peu dérivée? Bien sûr, puisqu'il va y perdre son petit ami Lily des Bellons, qui va en fait mourir dans le Nord. Et Pagnol dit il est tombé sur des touffes de plantes froides dont il ne connaissait même pas les noms. Alors on va, de façon un peu plus drôle, passer à la partie de cartes de Marius. La transition n'est pas facile. Eh ben quoi, c'est à toi. Je le sais bien, mais j'hésite. Et alors tu vas hésiter comme ça jusqu'à demain? Allons, ouais. Capitaine, nous vous attendons. Ah, mon ami, c'est que la chose est importante. Ils ont 32 et nous combien? Nous avons 34. Oui. C'est ce coup-ci que la partie se gagne ou se perd. C'est pour ça que je me demande si Fanny se coupe à cœur. Mais si tu avais fait attention au jeu, tu le saurais. Ne te gêne plus, montons-lui ton jeu pendant que tu y es. J'ai rien dit, j'ai pas donné de renseignements. En tout cas, nous jouons à la muette, il est défendu de Paris. Et si c'était une partie de championnat, tu serais déjà disqualifié. Écoute, Panis, moi j'en ai fait plus de 10 de parties de championnat. J'ai jamais vu une figure comme la tienne dans les championnats. Évidemment. Je me demande toujours si Pagny se coupe à cœur. Et je te répète que quand on joue, on ne doit pas parler. Même pour dire bonjour à un ami. Je dis bonjour à personne, je réfléchis. Eh bien, réfléchis en silence. Il a raison, t'as pas besoin de parler. Ah non. Et puis je te prie de ne pas lui faire de signe, hein. Tu ne dois regarder qu'une seule chose, ton jeu. Et toi aussi. Ah non, si tu continues à faire des grimaces, je fous les cartes en l'air et je rentre chez moi, hein. Ne vous fâchez pas, Pagny. Ils sont cuits. Moi, je connais très bien le jeu de la manille. Et je n'hésiterai pas une seconde si j'avais la certitude que Pagny se coupe à cœur. Il continue à faire des grimaces. Tenez, monsieur Brun, surveillez Escartefigue, moi je surveille César. Comment tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin, je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh, allons, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Alors nous jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. Alors. Oh, très bien. T'es cœur. Est-ce que tu me prends pour un imbécile? Tu as dit, il nous fend le cœur pour lui faire comprendre que je coupe à cœur. Et alors, il joue cœur par bleu. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Finalement, Karenan, il y a peut-être une transition qu'on peut faire entre ce passage très drôle et puis la guerre dont on parlait un petit peu avant. C'est que là, on est dans Marius, il y a Panis qui est autour de la table avec César et puis d'autres joueurs de cartes. Et dans le volet suivant de la trilogie, Panis n'est plus là, voilà. Il est mort et il reste sa chaise vide. Voilà, et c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette partie de cartes, ça procède de la typisation de l'instant, c'est-à-dire qu'il va suffire de remettre les mêmes protagonistes autour d'une table 20 ans plus tard avec une chaise vide. Alors, au théâtre, les spectateurs ou pour les films, les téléspectateurs comprendront effectivement que 20 ans se sont passés. Et ça permet même à Pagnol de citer les vers de Sully Prudhomme, très très très très beau. C'est au regard porté autour des convives, autour de la table, sur les sièges plus écartés, que se fait l'adieu véritable. Et donc voilà, c'est une façon pour lui de montrer que 20 ans se sont écoulés. Il n'a pas besoin de le dire. Ça montre aussi une relation spéciale entre Pagnol et les lecteurs ou les spectateurs de ses films, les lecteurs de ses pièces ou les spectateurs de ses films. C'est que ils se connaissent tellement bien, ils oui. connaissent tellement bien les films qu'ils remarquent chacun des détails qui changent. Il y a un lien quand même comme ça très, très puissant. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que Pagnol, comme Balzac, intervient dans ses livres. Il donne son avis par moment. Il entre. Balzac fait pareil. Ça, c'est assez particulier. Tous les auteurs ne le font pas. Et pour revenir sur ce que vous disiez, il a eu une chance insolente, puisqu'en fait, il a tourné Marius en 31, Fanny en 32 et en 36, alors que tous les protagonistes étaient devenus des vedettes. Il parvient quand même à les réunir et à les remettre encore au travail pour le troisième volet de sa trilogie, et c'est César, et tout le monde l'attend, et c'est un triomphe. Mais ça a été vraiment, oui, un tour de force de parvenir à, même à faire coïncider les emplois du temps des uns et des autres. Puisqu'entre-temps, Rému, Charpin, De Mazis, etc., ils avaient tous des contrats. Ouais. Et Rému et Fernandel, ça a été quand même deux grands acteurs de Pagnol. Ils n'avaient pas du tout le même type de rapport au réalisateur. Ils ne travaillaient pas du tout de la même façon. Quelle vous semble avoir été l'importance de l'un comme de l'autre dans, finalement, les succès assez gigantesques de ces films? Alors, en fait, je dirais que pour Fernandel, Pagnol a réussi à révéler au public que Fernandel pouvait avoir une dimension dramatique. C'est-à-dire que la scène dans Angèle avec le chapeau, Fernandel est magistrale. Et ça a vraiment été un rôle qu'il a révélé et qui a pu montrer effectivement qu'il pouvait faire un acteur, qu'il pouvait faire autre chose que ce qu'on appelait à l'époque un grimacier. Parce qu'il dirigeait très précisément ses acteurs, Pagnol? Ah non, pas du tout. Il écrivait dans la nuit. Fernandel, qui était un angoissé, c'était une catastrophe à chaque fois sur les plateaux. Ils se disputaient. D'ailleurs, ils ont fini brouillés. Hein. Ça s'est très très mal passé. Pour Rému, c'est complètement différent, parce qu'en fait ils s'agaçaient l'un l'autre du fait que chacun magnifiait l'œuvre de l'autre. C'est-à-dire que Rému n'était jamais tant Rému que quand il tournait du Pagnol, et Pagnol avait besoin de la prestance de Rému pour un César, pour un Puisatier, pour un boulanger. Alors évidemment, c'était toujours un petit peu, il y avait des frictions. Ils étaient dépendants l'un de l'autre, d'une certaine façon. Un petit peu, mais c'est vrai quand même que, notamment quand il a écrit Le Boulanger, il est clair que Marcel pensait à Rému. Il écrivait les scènes avec en ayant cette voix de stentor dans la tête. Et quand il a tourné, Marius, Pagnol a imposé les acteurs du théâtre, ce qui n'était pas du tout au départ, on n'était pas du tout sur cette lancée-là. Et Pagnol a dit non, non, ça sera avec ces acteurs-là ou personne d'autre. Alors Pagnol, ça n'est pas une littérature d'idées, ça n'est pas une littérature militante. C'est ce qui le rend indémodable. Et on l'en remercie. Vous voyez par exemple les plongées en apnée de Sartre qui remontent et puis qui redisparaît. Pagnol, pas du tout, ne s'est jamais exprimé. Il n'y a pas du tout de politique attachée à Pagnol. Il n'y a pas non plus de surréalisme, il n'y a pas de littérature de l'absurde. C'est un peu comme s'il avait été en marge de tous les grands courants du XXe siècle. Oui, il n'obéit à aucun courant littéraire. On trouve évidemment, c'est ce que je dis depuis le début de cette émission, des filiations qui sont très intéressantes. Est-ce qu'il continue à lire ses contemporains? Pardon? Est-ce qu'il lit ses contemporains? Est-ce qu'il a parlé, je sais pas moi, de Camus, d'Aragon, de ça? C'est-à-dire que c'était des gens qu'il côtoyait. C'était un grand ami de Cohen. Alors avec Giono, ça a été un peu plus compliqué, mais vous en parlerez demain. Beaucoup gravitaient quand même autour de lui. Donc il a fait partie, lui, de ce XXe siècle. Il était dans ce courant-là. Mais des courants littéraires, c'est vrai que le XIXe, c'est vraiment une littérature du cœur. C'est une littérature qui introspective, qui met le moi au centre de sa recherche. Pagnol n'est pas complètement là-dedans non plus, mais il serait plus proche quand même effectivement de la littérature 19e-iste, en ce sens que Pagnol, c'est quand même la littérature des grands sentiments. Est-ce que il ne voulait pas tout écrire en beau? Est-ce qu'il ne voulait pas magnifier aussi ce qu'il décrivait, selon vous, Karine Anne? Alors, c'est une très jolie question. Je pense que la Provence est magnifiée. La Provence est rêvée. Hein. C'est vraiment un topos littéraire. Sa Provence à lui, elle est sublimée. Les sources pleurent sur la mousse. Quand on regarde vraiment les occurrences, les verbes qu'il emploie, on a presque l'impression d'être un peu dans Le Magicien d'Oz. On est un petit peu dans un théâtre un peu féerique d'une nature animée, vivante. Donc Donc là, oui, là je dirais effectivement que c'est rêvé. Par contre, j'aurais plutôt tendance à dire que il a envie de s'arrêter sur le beau, non pas pour magnifier les choses, mais par pudeur. Et quand on le voit évoquer la mort de sa mère, en évoquant une douleur qui aurait pu le tuer, je pense que c'est ça. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a été prisonnier de cette douleur, qu'il a emmuré. Et en plus, les douleurs se sont cumulées parce que perdre sa mère à cet âge-là, c'est déjà d'une violence inouïe. Mais perdre un enfant quand on est un père, c'est effrayant. Donc, si vous voulez, c'est quand même quelqu'un qui a connu du succès, qui a connu des choses magnifiques, des passions, des femmes. Mais il a quand même vécu des choses extrêmement violentes. Est-ce que l'amour, qui semble être un de ses grands thèmes, a été teinté justement par ces tragédies dans la manière dont il en parle ? Il a un respect infini pour les femmes, un amour des femmes, ça c'est une évidence. Il les réhabilite. Ce sont elles les vraies héroïnes, ce sont elles qui sont porteuses des vraies valeurs. Et la lecture qui consiste à dire ah mais Pagnol est un misogyne, ah là là, dès qu'une fille est enceinte, c'est une fille perdue. C'est des gens qui n'ont rien compris parce que justement ils montrent que elles sont porteuses justement de l'honneur et du vrai. Fanny le dit très clairement. J'étais peu renseignée sur les mœurs et coutumes du sexe faible. Je ne fréquentais que ma mère et ma tante, qui n'étaient pas des femmes, mais une mère et une tante. Évidemment, je voyais souvent dans la rue quelques-unes de ces créatures sous des chapeaux chargés de choses inutiles qui les auraient bien gênées s'il leur avait fallu se découvrir pour saluer. J'avais surtout remarqué qu'elles balançaient leur derrière en marchant, ce qui m'inspira une sorte d'inquiétude. Mes observations personnelles sur le comportement des filles ne m'avaient pas encore permis de formuler un jugement définitif lorsqu'un jour mon père employa une expression qui me livra tout le secret. En parlant de la nièce de M. Besson, qui s'était cassé un bras en tombant d'un arbre, il avait dit « Cette petite est un garçon manqué ». Je compris cette phrase à ma façon, qui n'était sans doute pas la bonne, mais ce n'était pas la première fois qu'une grande découverte était née d'une erreur d'interprétation. Pour moi, ces mots « garçon manqué » signifiaient que les filles n'étaient qu'un faux pas de la nature, le résultat d'une erreur au cours de la création d'un garçon. Voilà pourquoi elle rougissait sans motif, riait d'un rien, pleurait pour moins encore, et vous griffait pour un compliment. Voilà pourquoi, ne sachant ni siffler ni cracher, elle tombait des arbres, inventait d'inutiles mensonges et se livrait en cachette à des manigances devant les miroirs. C'était des garçons manqués. Cependant, tout le monde s'intéressait aux filles. Et sans que je puisse comprendre pourquoi, il me fallait bien reconnaître qu'elles me plaisaient. Alors, on va pas parler de misogynie, hein. Vous avez mis les points sur les i. Mais c'est un homme qui est né quand même à la fin du 19e siècle. Il y a peut-être un peu de paternalisme dans son rapport avec les femmes. Oui, mais quand vous regardez la première fois où il est amoureux de la jeune Isabelle, il en est son esclave. Elle le fait manger de la terre. Il va très bien montrer finalement que au départ, lui en tant que garçon regarde un peu ces êtres différents comme des petites choses étranges. Mais à l'arrivée, quand il décrit son premier amour, il est complètement esclave d'Isabelle et il a ce point commun avec Proust. Proust dire que j'ai eu ma plus grande passion pour quelqu'un qui n'était même pas mon genre. Pagnol va faire la même chose puisque à l'arrivée, au moment où effectivement il ouvre les yeux, il se rend compte que le tapis est usé, que le piano est cassé, que cette espèce de décor qu'il avait rêvé, c'est aussi un petit peu le piège de l'amour. Mais il a été très très amoureux, par exemple, de Josette Day. Il a été très amoureux de beaucoup de femmes. Oui, mais alors Josette Day, ça a été vraiment la passion de sa vie et ça a été vraiment vraiment très loin. Et il a été vraiment extrêmement ébranlé par cette liaison. Ça a été effrayant. Oui. Et les personnages alors de femmes, il y en a un certain nombre qui sont intéressés. Elles se marient avec des hommes qui ont de l'argent pour acquérir une position sociale. Mais Pagnol disait quelque chose qui peut être juste dans certains cas. Il a connu, il a été très pauvre. Hein. Il a même pas mangé forcément à sa faim quand il est arrivé sur Paris. Et puis après, bien sûr, il est devenu très riche. Et il a dit, j'aurais aimé que toutes ces femmes qui me trouvaient très beau me trouvent très beau aussi quand je n'avais rien. Et il dit là, en fait, parce que je les avais vues nues un après-midi, il fallait que je les habille toute une vie. Et pourtant, c'était un homme qu'on considérait comme très beau. Ah, ben, il y avait beaucoup, même pauvre, oui, même oui, au début avait, de sa vie. Il avait beaucoup de charme, mais de fait, oui, les femmes intéressées. Mais il a décrit la noirceur humaine au sens large. Topaz, les marchands de gloire, etc. C'est la noirceur du genre humain, pas spécialement ou spécifiquement des femmes. Oui. Alors, qui sont les personnages, les grands personnages de Pagnol? Vous faites une distinction, Carinane, entre les personnages et les héros. Pour vous, oui. Il y a quand même deux types chez Pagnol. Quelle distinction faites-vous? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors, en fait, il y a les héros sont porteurs du parcours initiatique. C'est-à-dire que chez Pagnol, très souvent, je fais court pour caricaturer, vous avez un peu la fête, la faute et la fuite. Alors, voilà. La fête, la faute et la fuite, qu'est-ce voilà. que c'est? Ben, la fête, c'est quand tout va bien, qu'on est amoureux. C'est la rencontre. C'est la rencontre, voilà. C'est la fille du puisatier qui va détacher son foulard pour arrêter la moto. Voilà. C'est Fanny qui va retenir Marius parce qu'elle l'aime, etc. La faute, ben, évidemment, c'est que cet amour va être consommé. Il y a toujours une faute, comme dans une tragédie classique. Ben, c'est-à-dire que dans une époque où être enceinte hors mariage, et on sait maintenant pourquoi effectivement ce thème était très cher à Pagnol, c'est que sa mère l'a vécu. C'est quelque chose qui l'a profondément marqué. Il y avait une vindicte sur les femmes quand une femme était enceinte sans avoir d'époux. C'était une fille perdue. Donc c'est une faute en ce sens-là. C'est que ça jette l'opprobre sur toute la famille et c'est très très compliqué. Et puis la fuite parce que Marius va s'embarquer sur la Malaisie sans savoir que Fanny est enceinte, parce que le fils du puisatier va être porté disparu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on retrouve ce thème même quand il utilise d'autres écrivains pour en faire des films, que ça soit Naïs avec Zola ou Légionesque avec Angèle, etc. On a toujours ce thème de la fille mère. C'est quelque chose qui revient en permanence. C'est les hommes qui fuient chez Pagnol? Alors, ce sont pas les hommes qui fuient. C'est souvent, ça peut être des circonstances où ils ne sont pas au courant. Mais en tout cas, pour revenir à votre question première, les héros sont porteurs de ce parcours initiatique. Et les personnages, on revient à la typisation de l'instant, sont là pour authentifier les moments du quotidien. Donc, c'est tous ceux qui vont être autour de ces héros. Panis, par exemple, c'est un personnage. C'est Panis, c'est Scartefix, c'est tous ceux qui vont faire rire. Donc, les héros sont porteurs de la tragédie, entre guillemets, et très souvent de la poésie. Et puis, les personnages de l'humour et de tout ce qui fait rire. Et puis, vous avez certains qui sont à la transition, comme le puisatier ou comme César. Il y a un côté répartition des rôles, un petit peu comme au théâtre. Absolument, mais oui, il a commencé au théâtre, Pagnol. Donc, il a théorisé aussi beaucoup la manière d'écrire et comment on écrit au théâtre et le fait que tout doit tourner autour d'un personnage central. C'est quelqu'un qui n'écrivait pas, il n'a pas fait des chefs-d'œuvre par hasard. Hein. Il était tout à fait conscient des règles qu'il fallait appliquer pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il n'est pas d'ailleurs d'abord un dramaturge? C'est compliqué. Oui, enfin, il a commencé par le théâtre, ça c'est une certitude, mais c'est un dramaturge, c'est un cinéaste, c'est un mémorialiste, c'est un romancier, c'est un écrivain, c'est un conteur. Oui, mais il savait à chaque fois. Ce qu'on peut dire de Pagnol, c'est qu'il sait raconter une histoire. Voilà, pour le résumer. Alors, parmi les personnages qui reviennent aussi assez souvent, il y a le personnage du cocu, évidemment. Oui. C'est un peu moliéresque d'ailleurs, il y a un côté un peu école des fans, des femmes pardon, chez Pagnol. Oui, c'est un personnage emblématique parce que c'est un personnage éminemment dramatique. Il y a les cocus heureux, les cocus ridicules, les cocus malheureux, et le boulanger est un cocu sublime. Voilà, c'est quelqu'un qui parvient. On n'a pas envie d'en rire. Le boulanger, il parvient vraiment à nous émouvoir. Il est magnifique. Il est en empathie d'habitude avec ces personnages, vous trouvez? Toujours. Il est toujours. Alors, s'il y a bien quelqu'un qui ne jette jamais l'opprobre sur l'un de ses personnages et qui les accompagne jusqu'au bout avec une bienveillance, si vous voulez, qui demeure vraiment pleine et entière, c'est bien Pagnol. Il n'y a absolument pas de jugement moral. Il est bien sûr le chantre d'une époque. Quand il parle de la fille mère, il montre effectivement ce qui se passait à l'époque. Il n'y a jamais de jugement moral. Et d'ailleurs, quand Honorine suggère à Fanny d'épouser Panis, parce que comme ça, elle fera passer son enfant, et Fanny dit, mais il serait là le vrai déshonneur. Jamais je ne ferai une chose pareille. Donc, c'est pas elle qui porte le déshonneur. Finalement, il est en empathie avec les faiblesses humaines. Oui. La faiblesse, il la comprend. Peut-être qu'il l'excuse, peut-être qu'il se l'excuse aussi chez lui. Oui, mais oui, c'est quelqu'un qui ne juge pas. C'est un grand sage, Pagnol. Même quand on l'entend de parler dans des interviews, il a toujours tendance à rationaliser les choses. Rousseau, par exemple, quand il s'empare, Rousseau dit l'homme n'est naturellement bon et c'est la société qui le corrompt. Et Pagnol dit très simplement, il dit je ne comprends pas très bien comment une société composée d'hommes naturellement bons puisse être à l'arrivée corrompue. C'est quand même le béaba. Enfin, je veux dire, Pagnol, c'est du bon sens. Et donc, en fait, je pense que plus il avance en âge, plus il se rend compte, et c'est ce que j'aime aussi chez lui, parce que je crois que cette indulgence, il faut l'avoir envers tout le monde, que dans la vie, on fait plus ce qu'on peut que ce qu'on veut. Et donc, voilà, garder cette bienveillance sur les gens, sur les êtres qui nous entourent. Je pense que Pagnol, effectivement, le porte ce message-là, oui. Même si le bon sens, c'est une notion très fluide. Et oui, c'est très fluide, mais là, je parle de... du bon sens. Il fait preuve de bon sens pour avoir compris cette vérité première, mais je pense qu'il avait cette bienveillance, oui. Vous savez, il y a si peu de thèmes qui soient des thèmes généraux. On ne peut écrire que sur des thèmes généraux, dans des milieux particuliers. Mais il faut intéresser, surtout au cinéma, il faut intéresser au moins 1 million de personnes pour qu'un film fasse ses frais. Si on faisait des amours insolites, ça n'aurait aucun succès. C'est-à-dire que la grande situation, c'est la situation du mari et de la femme, c'est la situation de l'enfant naturel, c'est la situation... C'est pas des choses très simples. Je ne crois pas qu'il y ait d'art en dehors des lieux communs. La compagnie des œuvres sur France Culture. Je ne crois pas qu'il y ait d'art en dehors des lieux communs. Vous avez l'air d'être d'accord, Carina. Oui, et ce que Pagnol vient de dire vous montre bien qu'il est tout sauf un auteur régionaliste. En réalité, il a ancré beaucoup de ses personnages, évidemment, en Provence, puisqu'il est originaire de la Provence, mais son œuvre est universelle. Marius, c'est le drame d'un père qui perd son fils. Voilà, ça se passe, il se trouve que ça se passe à Marseille, mais ça peut se passer à Lille, c'est la même chose. Mais en même temps, il est bien de son époque dans cet universalisme. Aujourd'hui, quand on lit Pagnol, on peut avoir le sentiment, ou quand on voit ses films, qu'il laisse de côté toute une partie de la société. En effet, quand on parle des grands sentiments, quand on parle de ce qui est le plus commun, finalement, le dénominateur le plus commun, on abandonne aussi toute une part de la réalité. Ça n'était pas tellement son sujet, sans doute, mais est-ce qu'aujourd'hui... Ce n'est pas une remarque que l'on peut faire, Carina. Quand vous parlez de vous pensez à quoi de manière précise? En disant, par exemple, que en dehors des lieux communs de l'amour, il n'existe pas d'amour. C'est un petit peu quand même ce que sous-entend Pagnol. C'est mettre de côté tous les autres types d'amour. Donc aujourd'hui, quand même, on parle dans les films, dans les romans. Vous parlez par exemple de l'homosexualité. Par exemple, alors, mais ça peut être d'autres moi choses. Moi, je pense que d'abord, il avait beaucoup d'amis homosexuels, hein, donc c'était pas du tout. C'était l'époque qui faisait qu'on n'en parlait pas. Mais je pense que vous auriez Pagnol à cette table aujourd'hui, il vous dirait il n'y a pas différents types d'amour. Voilà, il y a l'amour, tout simplement. Donc un homme, une femme, deux hommes, deux femmes, c'est l'amour, point. Mmh. Donc il n'a jamais, c'est l'époque qui n'en parlait pas. Donc alors il y a effectivement des personnages, un personnage homosexuel dans le Spoons, parce que c'était un milieu le cinéma où effectivement on pouvait plus davantage exprimer sa sexualité que dans d'autres milieux. Mais à aucun moment vous ne pouvez trouver de phrases qui laisseraient penser que Pagnol puisse avoir la moindre homophobie ou ce genre de choses. Non, mais ça, c'est un exemple, mais c'est l'idée que Pagnol est mainstream, au fond, et que, comme il le dit très bien, pour finalement avoir un public le plus large possible, il faut s'arrêter à des lieux communs. Ça conduit à une littérature, et c'est sans jugement de valeur de ma part. Mainstream, vous ne trouvez pas? Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance à penser, et je pense qu'il le pensait aussi, qu'il y a un éternel humain. Alors après, évidemment, les œuvres sont, quand vous lisez Balzac, c'est ancré au 19e, évidemment. Le père Goriot vous fait pleurer dans ses relations avec ses filles, mais c'est transposable, bien sûr. Donc, si vous voulez, à la limite, le drame du père Goriot avec ses deux filles, c'est aussi le drame de César avec Marius. On traverse les siècles, mais il y a l'éternel humain. Finalement, c'est la relation, c'est le sentiment, c'est ce que voilà. Une mère, elle reste une mère dans l'Antiquité, la chair de sa chair. Si on est au 22e siècle, peut-être que là, on verra. Attendons de voir. Attendons. Mais enfin, en tout cas, au moment où je vous parle, le drame d'une mère qui perd son enfant, ça demeure plein et entier. C'est exactement la même chose que qu'un livre du 16e, du 17e. Mmh. Donc ça, il le théorisait un petit peu. Ah oui, tout à fait. Il y a une théorisation de son art par Marcel Pagnol. Bien sûr, il y a une éternité qui s'appelle le grand sentiment humain. Voilà. D'ailleurs, il a écrit des textes critiques. Critique des critiques, notes sur le rire, il y a ça quand même aussi. Ah, c'était un théoricien, oui, bien sûr. Ben, il y a aussi le fait que quand il a quitté le théâtre pour faire du cinéma, il a été traîné dans la boue, ça a été une bagarre effrayante, il a été insulté, donc il a fini par être obligé de répondre, parce que d'abord on disait que son cinéma c'était du théâtre en conserve, et puis surtout, comme il était le prince du théâtre, et on considérait qu'il était bien ingrat de quitter le théâtre pour partir au cinéma. Mais lui, quand il a vu la première fois qu'il a vu un film muet, il s'est dit mais ça va parler un de ces jours, c'est une évidence. Et il était toujours tourné vers les nouvelles technologies. C'était un ingénieur dans l'âme. Il passait son temps à construire. Donc il a failli tuer Malraux qui habitait au-dessus de chez lui en faisant péter un piston qui a troué la baignoire. Donc c'était pas un si bon bricoleur que ça alors. Ah, il bricolait sans arrêt, mais bon, il peut y avoir des ratés. Mais voilà, il était tourné vers toutes les nouvelles technologies. Donc effectivement, quand le cinéma est apparu, il s'est tourné naturellement vers le cinéma, mais par curiosité intellectuelle. Quel rapport y a-t-il avec la spiritualité chez Pagnol ? On a expliqué hier dans l'émission que du côté de sa mère, on aurait bien voulu qu'il soit baptisé. Du côté du père, c'était un instituteur, Troisième République, assez laïque. Qui avait fait de l'anticléricalisme une religion. Mais ça ne dit rien de la spiritualité. Alors, voilà, comme je l'ai dit, il a été élevé effectivement dans un milieu violemment anticlérical. C'était presque pathologique chez Joseph. Hein. Donc, il a vraiment grandi dans cet esprit-là. Et puis, voilà, la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure, quand il a commencé effectivement d'aller dans la vie, de rencontrer des gens, il a croisé Norbert Calmels. L'abbé des Prémontrés, et il est lui-même l'auteur de très beaux sermons, notamment dans Manon des Sources, que l'Église lui a autorisé à filmer dans des églises. Donc c'est quand même aussi un joli clin d'œil, hein, finalement, parce que ça veut dire aussi que l'Église considérait que ses sermons étaient intelligents et n'étaient pas, en tout cas, blasphématoires. Et il a quand même demandé l'extrême-onction. Donc, je pense qu'il était quand même, pas religieux, peut-être pas croyant, mais en tout cas, oui, certainement, il avait confiance en Norbert Calmels, qui était devenu un ami. Il y a beaucoup de lettres, il s'écrivait et il réfléchissait quand même beaucoup. Et quand dans la trilogie César dit mais le bon Dieu d'Elzéar, et si c'était pas le bon, on sent quand même que ça cache des interrogations. Se dire et finalement. Mais le sacré chez Pagnol, c'est peut-être la vie tout simplement, c'est peut-être oui, il y a une forme de la paganisme. Nature, c'est peut-être... Oui, voilà, oui, il y a une forme de paganisme, une source c'est sacré. Une source c'est sacré, la vie qui s'impose alors que, voilà, une femme qui tombe enceinte alors qu'elle ne l'a pas souhaité, ben c'est cette vie qui s'impose, fragile et magnifique, c'est sacré. Il y a quelque chose effectivement de l'amour est sacré aussi chez Pagnol. Et d'ailleurs, ces héros qui ne vont pas trahir leur amour le retrouveront très vite. Fanny, qui elle va tomber dans l'idée qu'il faut qu'elle se marie pour sauver l'honneur, etc., elle mettra 20 ans avant d'être heureuse. Mmh. Écoutez, merci beaucoup Karine Anne. Pour aller plus loin, on peut se procurer votre livre Marcel Pagnol, Un autre regard, publié aux éditions du Rocher. On termine comme toujours cette émission, en tout cas du lundi au mercredi, avec En compagnie des revues. La compagnie des heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. et en compagnie de Valérie Thoragnon, directrice de la Revue des Deux Mondes. Bonjour Valérie. Bonjour Mathieu. Merci d'être là. Aujourd'hui, vous nous présentez le numéro de la Revue des Deux Mondes qui est consacré à l'écrivain Milan Kundera. Pourquoi ce choix? Pourquoi Kundera? Parce que son ironie dévastatrice est plus que jamais un bouclier nécessaire contre l'esprit de sérieux et les dogmes qui font de nouveau fureur. Parce que sa distance, son refus de juger, son scepticisme jamais cynique, la façon dont il sonde l'amour, le sexe, le kitsch, font de lui un géant de la littérature du XXe siècle. Parce qu'il décrit l'humour comme l'ivresse de la relativité des choses humaines, le plaisir étrange, issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. La France le découvre en 1968, année de la publication de son roman « La plaisanterie », année du printemps de Prague, réprimée par les troupes du pacte de Varsovie, et du mai 68 estudiantin. Le mai parisien, selon la définition de Kundera, fut une explosion de lyrisme révolutionnaire. Le printemps de Prague, l'explosion d'un scepticisme post-révolutionnaire. Alain Finkielkraut raconte « Je pourrais résumer toute ma trajectoire intellectuelle et existentielle comme le passage d'un printemps à un autre, du printemps lyrique au printemps sceptique, je suis peu à peu devenu kundérien. » Kundera fut le premier à oser parler d'un Occident kidnappé par l'emprise russe sur l'Europe centrale et par l'éclipse de la culture dans l'Europe de l'Ouest. Alors Kundera est un grand admirateur de Diderot et des Lumières, comme vous l'expliquez. Oui, Kundera serait-il le dernier grand défenseur des Lumières? Il nous replonge dans ce que les Lumières avaient de meilleur et que nous avons fini par oublier, tant ces dernières ont aussi leur travers, ou plutôt une descendance fâcheuse, écrit Jacques de Saint-Victor. Le meilleur, c'est cet héritage d'intelligence corrosive. Je suis terrifié par un monde qui perd son humour, écrivait Milan Kundera à Philippe Ross. La lecture actuelle de Kundera fait écho à une crainte qui ne cesse de grandir, celle d'un monde où l'offense morale, peu à peu, rendrait le rire suspect. On ne peut plus rire de ce qui blesse. La démocratie serait-elle à ce prix que pèse aujourd'hui le rire de Pantagruel face à des gens qui s'estiment offensés? Kundera rappelle, lui, tout le prix de ce rire qui remet en question les certitudes d'époque. Ses propos résonnent comme une trompette salvatrice, écrit Jacques de Saint-Victor. Et puis Antoine Gallimard qui rappelle le rôle essentiel que l'écrivain a joué dans le renouveau du roman. Oui, avec ce style si spécifique qui embrasse à la fois le roman, le récit et l'essai. Pour Kundera, l'esprit de roman est l'esprit de complexité et le travail du romancier est celui de l'élucidation de l'existence. Cette disposition, écrit Antoine Gallimard, le fait entrer dans la grande tradition de l'écrivain critique qui trouve sa source chez Flaubert et se prolonge avec Apollinaire, Proust, Gide, Larbaud, Camus, Blanchot, Vargas Llosa et tant d'autres. Dans ce dossier également, Jean-Paul Antoven dresse un beau portrait de l'écrivain et de son intranquillité sereine. Olivier Bellamy évoque le rapport étroit que son écriture entretient avec la musique. Et Teresa Crémisi raconte comment, grâce à la lecture de Kundera, les sentiments d'exil et de désorientation qui l'accompagnaient dans sa jeunesse s'évaporèrent en un instant dans un grand rire intérieur. Alors voilà pour le dossier Kundera. Quoi d'autre dans ce numéro de la Revue des Deux Mondes? Alors, Régis Debray et Jean-François Colosimo qui débattent autour de la France et de son rapport au religieux, de cette laïcité qui, loin de débuter en 1905, est l'aboutissement d'une expérience millénaire entre l'État et l'Église en France. Et puis aussi Michel Serres et Clément Rosset, deux philosophes disparus depuis peu. Deux lecteurs inspirés de Hergé, Jean-Pierre Nogrette, confrontent leur lecture de Tintin à travers l'oreille cassée, la question du fétiche, du réel, du double, le vrai peut-il être falsifié, bricolé? Que cache cette quête éperdue de l'original? Leurs regards sont différents, ils s'entendent sur une évidence, le génie d'Hergé. Voilà, tout cela est donc à lire dans le numéro de mars de la Revue des Deux Mondes. Merci Valérie Thoragnon, à bientôt. La compagnie des œuvres, c'est Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Pierre Cataneo et aujourd'hui Sylvain Latu. Demain, nous nous intéresserons à Pagnol, Giono et à la Provence. Nous serons pour ce faire en compagnie de Thierry Day. À 20h30, les fictions avec le feuilleton. C'est la suite du Chat du Rabbin de Johann Sfar. Mais tout de suite, on retrouve les sciences sur France Culture.